Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Ben, les Sabres de Robertval ont un nouvel entraîneur. On sait depuis 2 jours, c'est Guillaume Guay qui est maintenant le nouvel entraîneur. Il était l'adjoint à Patrice Gagnon qui a démissionné évidemment pour des raisons personnelles. On a eu Guillaume Guay en entrevue hier et il mentionne évidemment que c'est quand même un gros défi. Les joueurs ont un problème de confiance, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Explique Guillaume Guay. J'ai joué midget ensuite comme adjoint. Puis là, ma deuxième année avec les Sabres. Moi, dans ma tête, c'était le tremplin, c'était le coup de pied que ça me prenait pour m'envoyer go sur le temps. Puis moi, je connais beaucoup les jeunes qui sont là parce que je les ai coachés aussi auparavant dans le Bantam midget. OK. Puis moi, je crois que je suis capable d'amener l'intensité que ça me prenait dans les derniers matchs. Là, puis d'essayer de ramener les joueurs un petit peu aussi. Moi, je crois que c'était grâce à cette équipe-là. Okay. Puis, je suis sûr qu'on peut aboutir à des grandes choses. On n'a rien de perdu encore. Je veux dire, ce qui est important, c'est les séries. C'est sûr que la saison, c'est bon pour la confiance et tout ça aussi. Là. Mais on travaille beaucoup pour les séries. Puis le Dans un deuxième temps, Guillaume Guay mentionne qu'il a tendu des perches à certaines personnes pour être pour ses adjoints. Il aimerait avoir un entraîneur avec de l'expérience. Ben, j'ai 10 fois que je vais garder avec moi pour le moment. Okay. J'ai tendu 2-3 perches, j'attends des réponses là, pour des adjoints. C'est sûr que, vu que ce sera ma première année, ma première demi-saison en chef, j'aimerais savoir quelqu'un avec l'expérience avec moi. C'est quelqu'un qui a coaché en chef beaucoup, soit au niveau junior ou mid-chef ou d'un calibre inférieur, juste pour amener un petit peu de stabilité et amener un petit peu de confiance. Là. Moi, j'ai confiance en mes moyens. Mais tu sais, t'es jamais ben trop entouré, là, un peu comme... Ben oui. Et dans un dernier temps, ben, Guillaume Guay mentionne que pour lui, ce qu'il espère, c'est que le mot d'ordre va être de repartir le compteur à zéro. Sûr que ça va être le mot d'ordre d'essayer de recommencer à zéro. Puis que, comme j'ai dit tantôt, dans ma tête, on n'a rien perdu encore. Fait que c'est le moment de recommencer à zéro, puis de rebâtir une confiance, puis de remporter des matchs, ou du moins être compétitif dans tous les matchs. C'est arrivé en début de saison, on était compétitif dans tous les matchs. Des fois, ça ne virait pas de notre côté. Là, samedi, on a gagné contre Normandin samedi passé. Ouais, ça a aidé, ça. Puis, on a senti que ça virait un petit peu. Parlons maintenant du tournoi midget d'Allemagne. Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier dans les différents... concernant les ambassadeurs Spugamo et le Marcos Pop. Donc, les ambassadeurs et les Saguenay de Chicoutimi se sont livrés un verdict nul de 1 à 1. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a vaincu les Harfans de Beauport 4 à 0. À la ronde Novi Satôme, les Génois d'Allemagne ont gagné 7 à 2 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Et également, les Éperviers de Normandin ont gagné 3 à 0 sur les Hurricanes de Mastouillache. Les Ligues juniors majeures du Québec, les Saguenay de Chicoutimi ont perdu contre les Islanders de Charlottetown 3-1. Vladislav Kotkov a marqué le seul but des Saguenay. J'invite à écouter la section entrevue de danadiosport.com. Hier, on a parlé avec Mathieu Garon, qui est un des instructeurs à l'école d'arbitre Justin Saint-Pierre, qui sera présenté au mois d'août prochain. Robin Bouliane vient nous parler des Castors de Delbeau. On s'est également entretenu aussi avec Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Robertval, ainsi que Mathieu Guay, le nouvel instructeur chef des Sabres de Robertval. Le sport local et régional à danadiosport.com. On s'en occupe.